des cathédrales, crevant le ciel comme des épées des forêts noires, que des sorcières ont envoûté des chevaux fous, et des milliers de races humaines lancées sur nous, du plus profond de la Bohème, des crucifix dressés pour garder les campagnes des abeilles, posés au sommet des montagnes des rois enfants, conduits par des femmes inhumaines, des rois méchants, soufflant la fureur et la haine. Et tout là-haut, un dieu colère qu'on ne sait comment apaiser, un dieu du fond de l'univers, à des années de Voie lactée. C'était la fin du millénaire, aux horloges de la chrétienté, l'apocalypse. Fumée noire au ciel assassine l'été, des villes sombres en mur, des hommes prisonniers, des peurs obscures nous viennent des autres races humaines, des bruits d'armure résonnent encore au fond des plaines, des crucifix brisés rouillant haut des montagnes, des abeilles se changent en maisons de campagne, des peuples enfants gaspillent la dernière fontaine, des peuples fous répandent la fureur et la haine. Et tout là-haut, un dieu colère que nous avons tous oublié prépare du fond de l'univers un rendez-vous d'éternité. Bientôt crucifier la chrétienté, l'apocalypse avant l'hiver.